L'équipe est dangereuse, la tista est colorée, cellule cancéreuse, nouveau plan élaboré. Dernière sacoche, dernière veste, BCBG, CDLV, aéroport de CDG, j'arrive à Dubaï, je roule en classe. On t'a pas vu dans la cahier, tu dois des sous, comme dans Death Note, on écrira ton nom dans le cahier. Y'a que des chiens, écoute les brailler, je suis diamant brut. Qui attend d'être taillé? Tu vas nous donner ton score si tu ne comptes pas partager. Si mes gars sont sur tes côtes, rien ne sert de déménager. Tout a un prix, ça s'achète. Produit se vend dans un sachet. Je suis ton mal de crâne, je suis ton cachet. Je suis la signature, je suis le cachet. Bouge-toi, attends pas la passe. T'as la tête sous l'eau, l'eau ça, tu prends la tasse. Elle ment, écoute pas la tasse. Fais-moi confiance, l'Osa, écoute pas la gare. Fais-moi confiance, écoute pas la gare. On a cœur de pierre, on n'a pas d'attache. Mélodie noire sur fond de maracas. Fais-moi confiance, écoute pas la gare. On a cœur de pierre, on n'a pas d'attache. Mélodie noire sur fond de maracas. Les trous, les secrets des comment calé chez des toches. Je venais les planter quand ils allaient planter. Je compte plus ces polos où j'ai fait des tâches. On prend une baby pour un peu de douceur. Beaucoup de ribos ça allume à toute heure. Je crois que c'est une plupart du temps bloqué. Donc non, mes ennemis sont pas sans Twitter. Jamais. Et laissez à terre pour honorer nos morts. Et puis tu sais que la mala est gang. Sauf non, ma nègre don't play anymore. Et laissez à terre pour honorer nos morts. Et puis tu sais que la mala est gang. Sauf non, ma nègre don't play anymore. On sait où les trous, on sait où les trous. C'est que des cons, on calait chez des touches. On sait où les trouver, on sait où les trouver. Mais c'est que des. Hey. Bouge-toi, attends pas la passe. T'as la tête sous l'eau, l'eau ça, tu prends la tasse. Elle ment, écoute pas la tasse. Fais-moi confiance, l'eau ça, écoute pas la gare. Fais-moi confiance, écoute pas la gare. On a cœur de pierre, on n'a pas d'attache. Mélodie noire sur fond de maracas. Mélodie noire sur fond de maracas. Fais-moi confiance, écoute pas la gare. On a cœur de pierre, on n'a pas d'attache. Mélodie noire sur fond de maracas. Mélodie...